Bonjour, on vous ressort une actualité du mois d'avril où Océane nous a parlé du possible nouveau printemps arabe avec les derniers événements politiques qui ont eu lieu en Algérie et au Soudan. Bonne écoute et à bientôt. Tu vas maintenant nous parler des contestations populaires et des démissions de deux dirigeants, l'Algérie avec Bouteflika et le Soudan avec Omar al-Bashir. Alors la première question qui me vient en tête, c'est pourquoi rapprocher ces deux événements alors que les contextes et les régimes politiques sont très différents ? Très bonne question Carolina. Alors en fait, je me permets de mettre en parallèle ces deux situations qui sont, on verra, très différentes, parce que certains journalistes les ont appelées les nouveaux printemps arabes. Et c'est sur cette notion que je voulais réfléchir aujourd'hui à travers le Soudan et l'Algérie. Ok, mais avant de nous lancer dans le résumé des situations soudanaises et algériennes, je pense qu'il serait utile de faire un bref rappel. C'est quoi exactement le printemps arabe ? Alors le printemps arabe, qu'on a aussi appelé les révolutions arabes, c'est le nom qu'on a donné à un mouvement de contestation contre les gouvernements autoritaires dans le monde arabe. Le mouvement a débuté en Tunisie en décembre 2010, puis a touché la Jordanie, l'Égypte et le Yémen en janvier 2011. En février 2011, ce sont la Libye, Bahreïn et le Maroc qui se sont embrasés, et en mars 2011, la Syrie. Alors, il y a d'autres pays du Maghreb et du Moyen-Orient qui ont également été touchés par le mouvement de contestation, mais dans une proportion beaucoup plus limitée, comme à Oman ou en Arabie Saoudite. Il faut bien comprendre que si ces mouvements sont presque simultanés et qu'ils partagent des caractéristiques communes, ils ne sont pas identiques. On va déjà commencer par les caractéristiques communes qui nous permettent de les mettre dans un grand panier qui est le printemps arabe. Déjà, une grande mobilisation de la jeunesse et des femmes. Des manifestations populaires pacifiques, qui sont parfois et même souvent, selon les pays, durement réprimées. L'utilisation massive des réseaux sociaux. La place centrale des capitales dans l'organisation du mouvement. La spontanéité du mouvement. Et l'absence de partis politiques qui dirigent les contestations. Mais de tous les pays qui ont fait le printemps arabe, les régimes étaient très différents, les contextes l'étaient aussi, et les conséquences sont évidemment extrêmement différentes selon les pays. Si au Maroc, la paix était ramenée à force de dialogue social et de compromis, et je peins le tableau de manière très grossière parce que la réalité est beaucoup plus complexe, ben le printemps arabe en Syrie a eu une toute autre issue, la guerre, le djihadisme, un conflit qui n'est toujours pas réglé, malgré le très net recul des forces de l'État islamique. Donc, à ce stade, c'est pas si incohérent d'associer l'Algérie et le Soudan et leur situation actuelle à un nouveau printemps arabe, même si on a des contextes politiques et sociaux qui sont très différents. C'est vrai que les parallèles sont frappants. Et donc, avant de continuer, est-ce que tu peux revenir sur la situation en Algérie, ce qui s'est passé, parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler, mais concrètement, il s'est passé quoi ? Et tout ça avant qu'on se penche sur le Soudan, qui a lui été beaucoup moins traité dans l'espace médiatique français. Oui, pas de problème. Le point de départ des contestations algériennes, ça a été l'annonce de la candidature à l'élection présidentielle d'Abdelaziz Bouteflika, le 10 février dernier. Bouteflika, c'est le président en exercice en Algérie depuis 1999, et il a aujourd'hui 82 ans. Bon, malgré tout, à cet âge-là, est-ce qu'il peut se représenter et puis au bout d'autant de mandats, comment ça se passe ? Alors oui, l'âge, c'est pas un problème en soi. Pour être candidat à la présidentielle en Algérie, il faut avoir la nationalité algérienne et être de confession musulmane. Et même s'il y a une révision de la Constitution en 2016 qui prévoit une limite à deux mandats présidentiels, cette limite ne devait s'appliquer qu'après les élections de 2019 pour laisser la possibilité au président en exercice de se représenter pour un cinquième mandat. Mais alors, les élections en Algérie sont boudées, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a beaucoup d'observateurs qui contestent le bon déroulé des élections, qui dénoncent des bourrages d'urnes, enfin bref, des fraudes électorales. La participation aux dernières élections législatives a été très faible, 35% annoncé par le pouvoir, et beaucoup moins selon les observateurs non gouvernementaux. Mais l'âge du président, ça a quand même joué un rôle important dans la contestation, même si légalement il n'y a pas de problème. Il faut savoir que 50% de la population algérienne a moins de 30 ans. On parle donc d'une population qui est très jeune, et dirigée par un vieillard. En plus de ça, Bouteflika, c'est pas... une personne de 82 ans qui est très en forme, il est très malade et ce depuis des années. Il a été régulièrement hospitalisé depuis 2005 et puis il a fait un AVC en 2013. Depuis son AVC, il n'est apparu que très très peu en public et il n'a plus jamais fait de discours public. Les premiers rassemblements spontanés ont éclaté le 16 février, donc une semaine après l'annonce de la candidature de Bouteflika. Le mouvement a pris de l'ampleur et il ne s'est pas calmé. Le 11 mars, après un mois de mobilisation inégalée en Algérie depuis la guerre civile, le président Bouteflika a annoncé qu'il renonçait à briguer un cinquième mandat. Mais il a annoncé par la même occasion que les élections présidentielles qui devaient se tenir le 18 avril étaient reportées et qu'il resterait donc au pouvoir jusqu'à ce qu'elles aient lieu. Mais la contestation n'a pas faibli pour autant parce que même s'il a renoncé à se présenter, il n'a pas donné de date pour les nouvelles élections. Donc les manifestants pouvaient se demander quand est-ce qu'il quitterait le pouvoir. Alors c'est alors que l'armée, en la personne de Ahmed Gaïd Salah, le chef d'état-major, qui est intervenu directement dans le débat et qui a appelé à déclarer le président inapte. Le 2 avril, le chef de l'État, donc Bouteflika, démissionne enfin. Le chef d'État par intérim, qui a été nommé quelques temps après, qui s'appelle Abdelkader Ben Salah, qui était le président au Conseil de la Nation et également un fidèle de Bouteflika, a donc eu pour mission d'organiser de nouvelles élections dans les 3 mois, auxquelles lui n'a pas le droit de se présenter. Cette élection, elle devrait se tenir le 4 juillet prochain, et même si le mouvement de contestation et de manifestation s'est un peu calmé, il n'est pas mort et il y a toujours des manifestations qui sont organisées. Un changement de constitution est très souvent évoqué et il est probable qu'elle fasse tout du moins l'objet d'amendements après les élections de juillet. Et c'est quelque chose que je vous invite à suivre parce que c'est très intéressant ce qui se passe en Algérie en ce moment et ça aura forcément un impact pour les Français qui nous écoutent du fait de la proximité entre l'Algérie et la France, proximité historique parfois malheureuse certes, mais aussi avec la grande diaspora algérienne qui est en France. Et alors, que veulent les manifestants maintenant ? Quelles sont les nouvelles revendications ? Quelle est la prochaine étape ? Parce que là, ils ont obtenu le départ du président, il a démissionné, c'est ce qui était demandé. Alors oui, il a bien démissionné, mais en fait, les contestations, c'était un peu plus large que ça. Et ceux qui doutaient du fait que ça ne s'adressait pas seulement au président grabataire s'en sont rendus compte quand ils ont vu que la démission du président, ça n'a pas suffi à gagner. À calmer la grogne populaire. La révolte, c'est plutôt contre le système politique dans son ensemble, les proches de Bouteflika, la corruption qui est ancrée dans le régime et le manque de démocratie, notamment ce qui concerne les élections. C'est une contestation anti-système, en fait, qui ressemble effectivement à ce à quoi on a pu assister pendant les printemps arabes de 2011. Mais malgré et peut-être aussi grâce au traumatisme de la guerre civile algérienne, qui était de 92 à 99 et qui a fait plus de 150 000 morts, Bouteflika, quand il arrive au pouvoir en 99, il a ramené la paix. Et l'Algérie, en 2011, n'avait pas suivi le mouvement, malgré quelques contestations, elle n'avait pas vraiment de raison, le peuple, de faire le printemps arabe. Mais en 2014, la situation du pays se dégrade avec la chute des prix du pétrole, parce que ça représente plus de 90% des exportations de l'Algérie. La situation économique se dégrade, le taux de chômage chez les jeunes augmente. Les jeunes, dans les manifestations algériennes, sont aussi à la base des contestations. Ils utilisent massivement les réseaux sociaux sans mettre en avant des partis politiques. Là, on a beaucoup de points qui font sens en comparaison avec le printemps arabe. Autre point très important, c'est la place de l'armée dans les contestations. Alors déjà, l'armée algérienne ne s'est jamais complètement désengagée des questions politiques. Et Bouteflika a toujours eu besoin de son appui pour remporter les élections. Ensuite, la population ne s'oppose pas à l'armée. Déjà, durant les manifestations, les forces armées ont eu un comportement qualifié d'exemplaire. Pas eu de violence particulière, surtout pas eu de tuerie. Et puis la population fait plus confiance à l'armée qu'au pouvoir politique, selon les sondages, car il y a cette idée de l'armée de conscription qui est proche du peuple, contrairement à tout ce gouvernement qui est sclérosé et qui est très très loin des préoccupations du peuple algérien. La question des armées a été très importante dans les printemps arabes, Ça, il faut le savoir. En Tunisie, l'armée avait eu pour ordre, mais avait refusé, de tirer sur la foule. L'armée égyptienne, qui était prise dans une logique de double loyauté, a fini par lâcher le président. En Libye, c'était une très faible armée qui a explosé et les militaires ont rejoint soit la rébellion, soit le camp de Kadhafi. Au Yémen, en Syrie et au Bahreïn, les armées ont été un peu plus fidèles au pouvoir pendant le printemps arabe. Il faut bien comprendre que le choix de l'allégeance de l'armée et ses relations avec la population civile ont un impact très fort sur le déroulement des contestations, que ce soit dans les printemps arabes ou que ce soit là aujourd'hui, en Algérie. Le parallèle avec le printemps arabe, en fait, est vraiment intéressant. Justement, à cause de ce parallèle, on peut voir qu'au Soudan, donc, il semblerait qu'il y ait une situation similaire vis-à-vis du président. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est pas une situation similaire, mais il y a quand même deux ou trois choses qui se répondent. Le pays connaît des contestations depuis le 19 décembre, après le triplement du prix du pain. Donc les contestations, les manifestants demandent le départ du président après plus de 30 ans de règne. Ça fait quand même beaucoup, 30 ans. À partir de mi-février, donc du 22 février 2019, l'armée commence à refuser les ordres du président, qui avait pourtant décrété l'état d'urgence. Et le 11 avril, donc très récemment, le président du Soudan, donc, qui s'appelle Omar al-Bashir, a été renversé par l'armée qui a pris le pouvoir. Les manifestants ont réclamé le 15 avril la dissolution du Conseil militaire de transition, qui était en place depuis le renversement du président, et qui avait promis le rétablissement d'un pouvoir civil dans les 2 ans. Alors les manifestants ont réclamé la dissolution du Conseil pour le remplacer immédiatement par un gouvernement civil. Le peuple soudanais a relativement peur d'une militarisation du pouvoir et d'une dérive dictatoriale, comme on a pu l'observer dans certains pays post-printemps arabe, comme en Égypte par exemple. Certains manifestants qualifient la destitution du président, qui est, elle, en soi, appréciée, de coup d'état militaire, et craignent que la transition de 2 ans qui est promise par le Conseil militaire ne s'éternise. Le ministre de la Défense du Soudan, qui était à la tête du Conseil militaire de transition, a dû laisser sa place suite au maintien des contestations au lieutenant-général Abdel Fattah al-Burhan, Abdelrahman, très très long, et ça a été suivi par la démission du chef du plus puissant service de renseignement, le NISS, qui s'appelle Saleh Gosh. Depuis, le général Burhan a annoncé la levée du couvre-feu, la libération de tous les manifestants arrêtés ces dernières semaines, et il s'est engagé à faire juger les responsables de la mort de plusieurs manifestants. Mais il faut quand même dire que la défiance du peuple n'est pas complètement levée, on n'est pas du tout dans une situation stable là. Alors, après, sachant que le président a été en place pendant 30 ans, j'imagine que les racines de ce conflit remonte bien avant l'augmentation du prix du pain. Oui, alors c'est un pays qui connaît une très forte inflation depuis plusieurs années. Elle a d'ailleurs atteint les 70%. Et elle pourrait rentrer dans ce qu'on appelle une super inflation si le pouvoir politique ne prend pas les mesures nécessaires pour la stopper. Les services de sécurité du Soudan ont pendant des années accaparé les richesses et ont mené des guerres qui ont laissé la population dans une situation assez compliquée. Le pays a été mal géré en fait pendant 30 ans, donc la durée du mandat de l'ancien président. Et les contestations en fait ne datent pas de 2019. En 2013, il y avait déjà une manifestation étudiante qui avait été très fortement réprimée. On estime que 200 étudiants sont morts. Et en 2016, il y a eu des mouvements de désobéissance civile qui ont dérivé en grève générale. Donc voilà, 2019, c'est pas le début, mais c'est clairement l'apothéose. Mais d'ailleurs, en parlant de tout ce que le président a pu faire, le président, j'ai lu qu'il a été condamné, il me semble même 2 fois, mais je me trompe peut-être 1 fois, par la Cour pénale internationale, mais qui pouvait pas le juger réellement. Et j'ai lu que du coup, maintenant, ce sera au prochain gouvernement, selon ce qui se passe, qui décidera, disons, de l'avenir de ce monsieur vis-à-vis de la Cour pénale internationale. Donc, ce sera intéressant de voir aussi ce qui se passe vis-à-vis de ça. Et sinon, quelle a été la réaction des autres pays par rapport à la situation au Soudan? Alors, avant de répondre à ta question, je vais rebondir là-dessus. Effectivement, Amnesty International a appelé l'armée à remettre le président déchu, qui a 75 ans et qui est actuellement détenu par les militaires dans un lieu qui nous est inconnu, à la Cour pénale internationale, parce qu'effectivement, la Cour pénale internationale a émis contre lui des mandats d'arrêt pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide au Darfour. Mais le conseil militaire de transition a refusé de donner le président Bachir à la Cour internationale de justice et a en effet déclaré que ce serait au pouvoir politique suivant de décider de ce qu'il ferait de l'ancien président. Pour répondre à ta question, y a l'Union africaine qui a menacé de suspendre le Soudan de l'organisation si l'armée ne quittait pas le pouvoir au profit d'une autorité politique civile dans un délai relativement court, parce que plus de 65 personnes sont mortes depuis le début des contestations. Ici, en fait, contrairement à Alger, la répression était très forte et surtout en décembre. Donc la relation à l'armée est un peu différente. Bon, alors, pour conclure, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que c'est réellement un printemps arabe ? Ah, moi, je ne peux pas répondre à cette question, mais je peux vous inviter à vous la poser. On voit des logiques qui répondent effectivement aux grands critères du printemps arabe de 2011, que ce soit en Algérie ou au Soudan. Mobilisation des jeunes, manifestations pacifiques, parfois réprimées, des manifestations qui sont spontanées, une absence de partis politiques qui dominent le débat, l'utilisation des réseaux sociaux, tout ça. Le parallèle, il est clairement faisable. Mais c'est l'effet boule de neige aussi qui avait fait de ces révoltes arabes isolées, en fait, un printemps. Alors, est-ce qu'on assiste à un deuxième âge des printemps arabes, ou est-ce qu'on voit que deux pays dont la population se révolte dans des mesures et dans des contextes très différents? Je ne saurais pas vous dire. Dans tous les cas, les mouvements anti-Bachir et anti-Bouteflika montrent que l'aspiration au changement, elle existe toujours dans la région. Et dans une tribune qui est parue dans Le Monde, le diplomate mauritanien Hamedou Ould Abdallah a souligné qu'un effet de contagion dans les pays du Maghreb et du Sahel ne pouvait pas être minimisé et encore moins ignoré. Les pays sahélo-sahariens ont le regard tourné vers leurs voisins du Nord, certains avec crainte et d'autres bien plus nombreux avec beaucoup d'espoir. Est-ce qu'on assiste à un printemps? Est-ce qu'il y aura un effet boule de neige avec d'autres pays? Un seul avenir nous le dira. Mais je vous conseille de regarder et de vous intéresser d'un peu plus près au Soudan, parce que je suis passée très vite, de la même manière que les médias sont passés relativement vite sur ce qui se passe au Soudan depuis décembre. Mais c'est vraiment très très important pour la stabilité régionale. Et là-dessus, je m'arrête sur le sujet. C'est vrai qu'il est toujours difficile de répondre à une telle question avec si peu de recul, finalement. Et je plus sois le conseil d'Océane de dire un peu plus sur le Soudan, parce que je ne connais pas vraiment sur le sujet, mais ça me semble vraiment très intéressant, notamment par la place des jeunes et de la femme, comme Océane a pu l'évoquer.